Chapitre 8. Attention, cette lettre n'est pas viable. Ceci n'est qu'un simulateur. Rien de ce que vous ressentirez ne sera réel. Cependant, certaines personnes peuvent être sujettes à des maladies lorsqu'elles sont exposées à des simulations d'atmosphère et d'environnement nocifs à leur organisme. L'éditeur de ce simulateur ne pourra être tenu en rien responsable des dommages subis par le manque de vigilance de l'utilisateur. Continuez. Oui. Non. Saisir coordonnées. Latitude 83,52. Longitude -4,58. Ormaïn entra les coordonnées exactes que The Who lui avait communiquées et valida. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui pouvait être une latitude et une longitude, mais l'important était que cela fonctionnait. Une fois la saisie validée, une barre de progression apparut, comme la première fois, quand il avait sélectionné au hasard un point sur le planisphère. Cette fois, il savait où il se rendait. Zélé était avec Mimisha. Zoku avait repris ses recherches, et qu'était-il censé faire, lui? Devait-il rester planté dans l'oasis, à nager, ou à se tourner les quatre pouces, comme avant, alors que tout avait changé? Hors de question. Il s'agissait de son monde. Il avait son mot à dire. Il comptait bien effectuer une nouvelle visite pour tester les lieux qui lui étaient, normalement, familiers. L'impression saisissante de réalité l'avait déstabilisé lors de sa première expérience. Cette fois, ce serait différent. Il ne se laisserait pas prendre par surprise. Il savait ce qui l'attendait et il était prêt mentalement à affronter ses chimères plus vraies que nature. Chargement terminé. Avertissement. Atmosphère non respirable. Ceci n'est qu'une simulation. La topographie dans laquelle il venait d'être projeté n'avait rien en commun avec la précédente. Il n'était plus au beau milieu d'une étendue plane, mais dans un creux qui le protégeait du vent et de la poussière. Sa vision s'en trouvait meilleure. Il distinguait les reliefs, les contours escarpés faits de terre, les rochers. Cela lui permit aussi de se dire que rien n'était réel et que même s'il devait se retrouver dans un nuage de poussière, rien n'était vrai, que sa respiration ne devait pas en souffrir. La sensation de prise de poids était toujours là. Néanmoins, il n'avait plus la sensation d'être enraciné dans le sol. Les efforts à déployer pour marcher seraient moins pénibles. Ormaïn se promena alentour à pas lents, avec une impression familière, comme s'il connaissait les lieux d'instinct, alors que visuellement, tout lui était inconnu. Il n'y avait aucune végétation, aucune humidité, juste de la pierre nue. Il réalisa qu'il faisait nuit. Dans une simulation, tous les éléments du décor étaient transmis. On pouvait avoir conscience de leur présence, de ce fait, penser les voir, alors que l'éclairage recréé ne le permettait pas. Ormaïn leva les yeux vers le ciel étoilé entièrement dégagé et vit deux croissants de lune, l'un bien arrondi, sphérique, l'autre bosselé et plus petit. Ne lui fallut pas plus longtemps que ce coup d'œil pour reconnaître les deux satellites naturels de son monde. Il prit alors le temps d'observer les points lumineux de la voûte étoilée. Il identifia encore des constellations familières. Stupéfié, il mit un temps à reposer ses yeux sur le paysage et ce fut alors qu'il comprit pourquoi il devinait si facilement les lieux. Ils étaient tels que son endroit de vie habituel, mis à part que les arbres, les plantes et la rivière, n'étaient pas présents. Pour en avoir le cœur net, il alla dans une crevasse où se trouvait l'entrée de la grotte, normalement dissimulée derrière des forêts menant à chez lui. Entrée impossible. La simulation ne comprend pas les territoires souterrains. Il ne s'attarda pas plus longtemps dans la crevasse et se rendit à d'autres entrées de grottes qu'il avait l'habitude d'utiliser. Il trouva toutes les entrées naturelles, mais pas celles que lui et ses camarades avaient creusées de leurs mains et leurs outils précaires. Fin de la simulation. Le doute n'était plus permis. Cette planète, la planète voisine de celle de Zélé, était bel et bien la sienne. Le monde opprimé où il avait vécu, et qui lui avait arraché sa fille et son épouse. Mais il n'y avait aucune trace de mercenaires ou de l'écosystème qu'il connaissait. Cette simulation était un mensonge. La géographie était correcte, mais tout ce qui en faisait un monde vivant en avait été effacé. Ormaïn imaginait facilement que dans un espace libre comme le comète, une visite virtuelle présentant une dictature ne risquait pas de circuler. Qui était donc responsable de cela? Était-ce les mercenaires qui avaient piraté le Rézark pour transmettre de fausses informations au sujet de Nikéas? Ou était-ce le comète qui avait volontairement falsifié la simulation? Ormaïn tenta une liaison avec Zélé, mais elle ne répondit pas. À présent, il savait où était sa planète. Devait-il y retourner pour chercher sa famille? Il était évident pour lui qu'elle ne s'y trouvait pas. Si Nikéas s'était camouflé sur le Rézark, Ormain s'imagina que ce devait être le cas pour nombre d'autres planètes, et que c'était là qu'avaient dû être conduites sa fille et son épouse. L'unique solution qu'il entrevoyait était de partir sillonner l'espace et de fouiller les mondes extérieurs aux comètes un à un. Il fut un temps où cette pensée ne lui aurait pas semblé si irréalisable, insouciant et naïf qu'il était. Depuis que Zélé lui avait présenté l'univers et que son implant lui avait ouvert l'esprit sur toutes les connaissances du Rézarque, il savait qu'il n'aurait jamais assez d'une vie pour les retrouver. Si seulement il pouvait avoir un indice pour les mettre sur la voie de ce qui leur était arrivé. Mais bien sûr, pourquoi n'y avait-il pas songé plus tôt? Les mercenaires les avaient enlevés, il devait donc savoir où elles avaient été conduites. Il devait retourner sur Nikéas. Zélé lui fournira un vaisseau, il apprendrait le pilotage avec son implant et partirait récupérer ses informations par n'importe quel moyen. Mais il quitterait Zélé. Cette pensée le torturait. S'il avait accepté de si docilement vivre captif tout ce temps, c'était justement à cause de sa ravisseuse. La recherche de sa planète mystérieuse avait été une excuse qu'il s'était trouvée pour rester là, avec sa princesse, au lieu de partir dans l'inconnu qui le faisait mourir de trouille. Il se souvenait de la peur qu'il avait habitée quand il s'était faufilé à l'intérieur du vaisseau NL2BR, alors que le sas était encore ouvert et que le mercenaire isolé lui tournait le dos. Il avait fait n'importe quoi, il avait agi sur l'instant, sans rien avoir prévu, et l'appareil s'était mis en marche. C'était un tel miracle qu'il fût en vie, après son évasion. Avait-il envie de recommencer, de risquer sa vie à nouveau? Ce n'était pas une question d'envie, c'était une question de devoir. Il devait le faire, parce qu'il était père et que son rôle de parent était de veiller sur son enfant. Et son épouse ayant été enlevée, elle avait besoin de son aide. Il devait la secourir. Il ne pouvait les abandonner. « Ma petite Maquerada, je te retrouverai. » Sa phrase était un serment, la répétition du serment qu'il avait prononcé le lendemain de leur disparition. À même la mousse recouvrant la rive nord de l'étang, Ormain s'endormit sur le dos, les pieds dans l'eau et les bras en croix sur son cœur, une main serrant le petit caillou qui lui avait offert sa petite fille. À son retour, Zélé le trouva allongé au même endroit. Il avait passé sa phase de sommeil au bord de l'étang. Il n'était même pas rentré dans la cabane pour dormir plus confortablement. Elle s'attendrit en le regardant ainsi, paisible. Ormain, elle lui caressa le front et fit glisser une bande de son cul entre les deux longs doigts fins centraux de sa main droite. Il tourna la tête, mais ne s'éveilla pas. Le dessin d'un léger sourire fut son unique réaction. Il est en train de rêver, pensa-t-elle. Un léger souffle s'échappa de sa bouche et Zélé se pencha sur lui pour comprendre ce qu'il pouvait dire dans son sommeil. Maquerada. Maquerada, le nom de sa fille. Ormain lui avait dit qu'il était marié et qu'il avait une petite fille, qu'il désirait les retrouver et que c'était pour cela qu'il avait quitté sa planète, que son épouse et sa fille avaient été prises par les mercenaires et emmenées quelque part, qu'il se devait de les retrouver et de les sauver. Comment avait-elle pu faire fi de telles informations à son sujet? Il avait été plus commode pour elle de se focaliser sur le mystère qui entourait ses origines. Elle l'avait eu pour elle toute seule tout ce temps, leur idylle platonique n'était rien. Zélé s'en voulut d'avoir été aussi égoïste, d'avoir pensé le garder pour elle, loin de tout. Comme un enfant, gardant pour lui un insecte dans un bocal, n'obéissant qu'au simple plaisir de satisfaire son égo, sans prendre en considération la condition de l'autre. Si elle tenait tant à Ormain, elle se devait de l'aider, elle se devait de faire ce qui était en son pouvoir pour retrouver sa famille. Ses sentiments n'avaient pas interféré. Se résoudre à laisser Ormain partir la torturait. Elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas qu'il s'en allât. Elle l'avait sauvé, elle se sentait si bien auprès de lui. Rien ni personne n'avait le droit de le lui reprendre. Elle culpabilisait d'être aussi égoïste. Ormain ouvrit les yeux et visait les penchés au-dessus de lui, l'air vague, en pleine réflexion. La contraction des traits de son visage et les larmes amassées au rebord de ses yeux lui firent comprendre qu'elle était en proie au chagrin. « Tout va bien, je ne suis pas mort !» Il avait lancé cela sur un ton badin pour lui remonter le moral, même s'il ignorait ce qui pouvait lui causer autant de peine, l'air désespéré qu'il avait surpris sur son visage l'ayant fortement troublé. Zélé sursauta au son de sa voix et l'enlaça immédiatement. Ormain fut surpris mais referma tendrement ses bras autour des épaules de Zéla princesse, sans réfléchir. Je viens de la seconde planète de ton soleil, la planète émeraude, comme tu l'appelles. J'en suis sûr. J'ai lancé une autre simulation avec les coordonnées que Zoku a récupérées. C'est chez moi. Il manque l'eau, la végétation, mais la géographie est identique. Et en levant les yeux, j'ai reconnu mon ciel. Les mercenaires connaissent l'endroit où ont été emmenées ma fille et Xenia. Je dois y retourner. Donne-moi les moyens d'y aller. Chuchoté au creux du cou de Zélé, Dans sa fente auditive, les paroles d'Ormaïde ressemblaient à s'y méprendre à une prière. Zélé relâcha son étreinte pour lui faire face et soutenir son regard suppliant. Ce que tu dis est sensé, mais nous devons attendre que Mimisha soit rentrée, lui dit-elle. Quand revient-elle? Dans quelques semaines. Quelques semaines? Tu sous-entends que ça va lui prendre plusieurs semaines d'aller chercher de simples documents? S'étonna Ormaïde. Tu voudrais que cela lui prenne plus de temps d'aller chercher un objet plus imposant? Veux-tu que je te rassure en te disant qu'elle rapportera une montagne de documents? Lui disait-elle. Ce n'est pas drôle. Et que va-t-elle nous rapporter? Toi, tu veux savoir pourquoi Nikea s'est présentée comme déserte dans le comète. Et je serais curieux aussi de savoir pourquoi ton peuple ignore que nous existons. Mais ce que Mimisha rapportera ne change rien au fait qu'il faille se rendre sur place pour que je puisse sauver les miens, expliqua Ormaïde. C'est très risqué. M'absenter du palais est compliqué et je n'ai jamais quitté Upléas de ma vie sans escorte. Je ne te demande pas de venir avec moi, lui répondit Ormaïde. Cette réflexion interloqua Zélé, mais rien dans l'expression d'Ormaïde n'indiqua qu'il l'avait remarqué. De son côté, ce fut la remarque de la princesse qui l'interpella. « Comment cela jamais? Mais ta mère, les cargos, tous ces vaisseaux? Ma mère voyage parce qu'elle ne sait pas utiliser son implant suffisamment pour pouvoir suivre les sommets du comète. Et je suppose aussi que ça l'arrange. Moi, je peux tout faire avec mon implant U. Alors pourquoi voyager? De toute façon, mes attributions actuelles concernent la planète, pas l'interplanétaire. Et puis une fois sur place, où irions-nous? Chez moi, bien sûr, les galeries sont des cachettes remarquables, lança Ormaïde. Des cachettes? Quelles galeries? S'étonna Zélé. Comment quelles galeries? Je ne t'ai pas parlé de... De quoi, Ormaïde? De galeries servant de cachettes? Non, je m'en souviendrai, toutes les conversations que nous avons eues sont mémorisées dans mon implant U, je peux toutes te les retransmettre ou te les réciter si tu le souhaites, lui répondit Zélé. Mes camarades et moi, expliqua Ormaïde, nous ne vivons pas dans les camps avec les autres. Nous vivons cachés, dans des galeries souterraines. Nous formons une sorte de résistance. Zélé n'en croyait pas ses fentes auditives. Il avait oublié de lui dire qu'il ne vivait pas prisonnier, comme le reste de son peuple. Quand il avait exposé la situation de son monde, cela avait semblé être la seule condition de vie connue. Et voilà qu'il lui annonçait nonchalamment qu'une résistance existait. L'idée qu'Ormaïde avait vaillamment fui de chez lui, qu'il s'était emparé seul d'un vaisseau, faisait route vers l'inconnu pour sauver sa famille, avait toujours semblé extrêmement héroïque aux yeux de Zélé. Il était si courageux et de surcroît, il faisait partie d'un réseau de résistants combattant l'oppresseur. Elle eut envie de se jeter à son cou tellement il l'émerveillait, et elle s'en voulut davantage de garder cloîtré ainsi un être d'une telle bravoure. Au lieu de l'enlacer, elle demeura sage, et s'enquit de détails sur ce mystérieux réseau. Elle déchanta vite. Ce qu'Ormaïde appelait résistance n'était en fait qu'un groupe, devenu de plus en plus important au fil des années, constitué de rescapés, d'enfants abandonnés et de fuyards qui vivaient dans un véritable dédale souterrain. Les mercenaires ignoraient leur existence. Seuls quelques-uns avaient pu se faire remarquer lors des sorties pour collecter de la nourriture, mais ils n'avaient pas connaissance d'une véritable organisation était en place. Ils sortaient la nuit, la plupart des débouchés de leur tunnel étaient immergés, et les mercenaires n'étaient pas informés de leur nature amphibie. Cette résistance n'agissait en aucun cas contre les mercenaires. Ormaïde lut sans difficulté la déception qui s'affichait sur le visage de Zélé, déception que nul souci de bienséance ne cherchait à dissimuler. « Avec quoi voudrais-tu que nous luttions? Ils sont nombreux et armés. Nous ne sommes pas une octantaine, et les seules armes que nous pourrions fabriquer ne seraient pas le poids contre leur laser, » expliqua Ormaïde. « Le mot résistance m'a induite en erreur, c'est tout, » répondit Zélé. Qu'importe le nom, ça n'a rien d'officiel. Peut-être que cette désignation nous aide à garder espoir qu'une rébellion est possible. Depuis que je suis ici, j'y crois plus que jamais. Avec tout ce que j'ai vu sur le Rézarque, je suis certain que vous possédez de quoi les neutraliser en un éclair. Leur technologie est moins sophistiquée que la vôtre. Un tel entrain résonnait dans sa voix qu'il était impossible pour Zélé de s'imaginer lui dire non. Et au fond d'elle, elle désirait plus que tout l'aider et défendre ce peuple inconnu qui vivait une telle oppression. Mais les espoirs d'Ormaïde semblaient grandir de plus en plus et devenir incontrôlables. Se rendre sur la planète Émeraude pour obtenir les données que possédaient les mercenaires au sujet de sa fille et de son épouse Xenia était une chose, déjà terriblement complexe. Et rassembler une armée pour combattre ce mystérieux ennemi en était une toute autre. Elle se devait de faire redescendre Ormaïde sur Terre pour qu'il comprît l'ordre des choses et que rien ne se ferait du jour au lendemain. « Alors, m'aideras-tu ? » demanda Ormaïde. « Demande-moi plutôt, viens-tu ? » « Tu as l'intention de venir ? » Bien sûr, tu crois pouvoir me retenir, lui disait Lé. C'est une mission dangereuse. Il faudra être au moins deux. Et pour piloter et nous y rendre, il faudra un troisième membre. Il nous faut Zoku. Être trois ne garantira pas notre sécurité, mais en étant plus nombreux, nous risquerions de nous faire remarquer. Et à part lui et Mimisha, il ne me reste plus personne en qui j'ai foi. Rien que le fait de penser que Mimisha était hors de portée, que si elle avait besoin d'elle, elle serait dans l'incapacité matérielle, physique ou virtuelle de la voir, de lui parler, Zélé se sentait terriblement seule. Depuis le départ de sa meilleure amie, la princesse ressentait un vide. Bien qu'elle ne pût pas dire qu'elle n'avait pas passé ses derniers temps avec l'humaine, depuis qu'Ormaine était arrivée dans sa vie, Zélé ressentait son absence. Ormaine avait raison. Attendre le retour de Mimisha ne changeait rien. Il fallait se rendre sur Nikéas et obtenir les informations nécessaires pour retrouver sa famille. Ils avaient suffisamment perdu de temps. Zélé n'avait pas la moindre idée de ce à quoi les mercenaires destinaient le peuple nikéen, mais ce ne devait pas être pour en faire des citoyens libres. Une pensée coupable l'obsédait à présent. Venait-elle de livrer Mimisha à l'immensité de l'univers à laquelle elle n'avait été exposée qu'une seule fois dans sa vie pour rien? Peut-être trouverait-elle une consolation en se disant que d'ici au retour de Mimisha, ils auraient eu le temps de mener à bien leur expédition et même de passer quelques jours de repos et de réflexion sur ce qu'ils auraient vu pour enfin accueillir la vaillante Mimisha et ses précieux documents qui ne seraient sans doute plus d'une grande utilité. Si jamais l'humaine se trouvait dans une situation d'urgence, sa seule solution serait de contacter Zélé au palais. Et elle ne s'y trouverait pas. L'héritière royale s'était empressée de se rendre chez Zoku pour lui expliquer la situation familiale d'Ormaïn et la nécessité absolue d'organiser une expédition pour la planète Émeraude au plus vite. Cependant, Zélé ne voulait pas trop précipiter les choses, il fallait qu'ils fussent préparés et que rien ne fût laissé au hasard. Une fois qu'ils auraient décollé, ils n'auraient plus aucun recours possible. Ils ne devraient compter que sur eux-mêmes et sur ce qu'ils auraient emporté à bord du vaisseau. Ormaïn, comme de coutume, était entièrement passif dans l'affaire. Zélé, quant à elle, n'avait pas beaucoup d'outils à disposition. Elle disposait de tout au palais, mais elle ne pouvait rien utiliser sans attirer l'attention. Zoku se retrouverait en charge de l'organisation de l'expédition entière. Il devrait fournir le vaisseau, les combinaisons, les provisions, l'équipement scientifique, de quoi garantir leur sécurité. Minutieux comme il était, la princesse déposait sans crainte leur vie au creux de ses mains. Connexion. Princesse Zélé, êtes-vous là? Zoku, tu utilises ton implant? Princesse Zélé. Vous n'êtes pas au palais, je suis bien obligée. Alors, quand nous mettons-nous en route? Zoku, nous partirons quand tu auras eu le temps de rassembler tout ce que tu as listé quand je suis passée te voir. Princesse Zélé, c'est chose faite, tout est paré. Zoku, déjà? Mais nous sommes vus hier. Princesse Zélé, où est le rapport? Quoi qu'elle en soit, je me suis arrangée avec plusieurs connaissances qui se sont révélées très variables et très servables et efficaces. Mon vaisseau est révisé et prêt, j'ai emmagasiné le nécessaire pour la nourriture, l'alimentation, en oxygène et en eau, et le camouflage. Je commence le chargement dans la soute. Zoku fantastique, je vais prévenir Ormaïn, je me rendais. Justement à l'oasis, il va être si heureux. Fin de connexion. Zoku l'avait contacté alors qu'elle et Goba arrivaient à l'entrée du tunnel menant au cratère vert. Plutôt que de contacter à son tour Ormaïn par un plan, elle préféra attendre d'être au bord de l'étang et de lui annoncer la nouvelle en face. Avec l'implant, les émotions n'étaient pas bien retranscrites, et Zélé tenait à percevoir entièrement la joie exprimée sur son visage illuminé. Ormaïn ! Ormaïn ! Il n'était ni au bord de l'étang ni dans la cabane. Zélé l'appela encore un peu et s'apprêtait à plonger dans l'étang pour partir à sa recherche lorsque Goba se matérialisa au travers des fougères avec le nikéen à cheval sur son dos. Les Bolvolkou étaient peut-être sourds, mais leur odorat était imparable. Il avait humé Ormaïn et était allé le chercher. Où étais-tu ? Parti chercher des fruits, lança mollement Ormaïn. Eh bien, tu vas être ravi d'apprendre l'excellente nouvelle que Zoku vient de m'annoncer. C'est-à-dire ? Le ton d'Ormaïn n'était empreint d'aucun enthousiasme, et le son de sa voix ne s'harmonisait pas avec celui de Zélé, affichant son évident désintérêt. Il était encore sous le choc de devoir attendre des jours avant de pouvoir se rendre sur Nikéas. Zélé lui avait dit que Zoku aurait besoin de temps pour réunir toutes les affaires indispensables à leur périple. Il avait l'impression de perdre des forces à chaque fois qu'on lui parlait d'attente. Il n'avait aucune idée de ce que Zoku avait pu dire, de si merveilleux à Zélé, il s'en moquait royalement, il se sentait basculer vers la déprime. Parti comme c'était, il devinait qu'il allait broyer du noir, seul, impuissant. « Sache que nous sommes prêts pour le départ !»« Vrai ? Ce n'est pas une blague ?» Ce que Zélé avait à dire était intéressant, tout compte fait, et ce que Zoku avait annoncé était merveilleux. Comment pouvait-on passer d'un plusieurs jours à tout de suite? Peu lui importait, la déprime s'était évaporée à la même vitesse que l'aurait fait l'humidité de sa peau s'il s'était trouvé dans le désert. Zoku, terminant de tout arranger de son côté, sans avoir besoin de faire appel ni à Zélé ni à Ormaïn, il avait précisé à la princesse qu'il leur indiquerait quand se retrouver chez lui. Ils pouvaient tous les deux s'accorder un peu de détente. Zélé fit glisser sa robe le long de son corps pour révéler un maillot de bain, alla jusqu'au bout du ponton en bois, au support enlacé par des plantes aquatiques zébrées, et plongea dans l'eau. Ormaïn, assis sur la berge, la regardait s'échauffer en pratiquant quelques brasses. À tourner en rond seule, le voyant rester assis rêveur, elle rampa vers l'eau sur le ventre et n'utilisant que ses bras comme force motrice, elle saisit ses chevilles et le tira de force vers elle. Il s'effondra sur le dos dans un premier temps et n'ayant aucune prise à part les brindilles d'herbe, Ormaïn ne put lutter et glissa dans l'eau rafraîchissante. Zélé avait relâché ses chevilles quand il l'avait rejointe et s'était aussitôt empressée de s'agripper à ses mains, ne pouvant se résoudre à défaire son étreinte. Troublée par son attitude, Ormaïn ne savait comment réagir. Elle le fixait plus intensément que jamais, comme si elle allait le perdre à l'instant où leurs mains se sépareraient. De nombreuses questions se bousculaient dans sa tête et son cœur battait à tout rompre tant la peur qui l'habitait se faisait de plus en plus grande. Était-ce leur ultime nage? Y aurait-il des étangs à l'écart des mercenaires sur Nikéas pour leur permettre de partager encore des instants privilégiés? Le moment fatidique où Ormaïn serait réuni avec sa famille était si proche que Zélé l'imaginait sans peine. Elle se voyait rayée de sa vie, trop occupée qu'il serait à accomplir ses devoirs parentaux et matrimoniaux. Il lui avait si peu parlé de son épouse, de Xenia. Elle se sentait menacée par cette étrangère, mais il n'avait aucune raison de se sentir menacée puisqu'elle n'avait aucun droit. Depuis qu'Ormaïn était arrivé, il ne lui avait jamais caché sa situation. Il lui avait toujours fait part de son souhait de les retrouver et Zélé savait que l'histoire qu'elle fantasmait pour eux n'avait pas d'avenir étant donné que Zoku était son futur mari et qu'Ormaïn n'appartenait même pas à son espèce. Les larmes berlaient sur les rebords de ses yeux bleus, mais leur immersion les diluait aussitôt dans l'étang et Ormaïn ne pouvait que voir les traits tirés de son visage et se perdait à essayer de comprendre la source de son déchirement intérieur. Ils se laissèrent couler vers le fond éclairés par les algues phosphorescentes et s'abandonnèrent dans une danse aquatique où tous les gestes de Zélé essayaient de lui traduire ses angoisses. Et il sembla que son compagnon les comprit. Ormaïn tenta d'entrer en contact via l'implant, mais l'héritière s'obstinait à le bloquer. Parler était trop difficile, même par la pensée. Ce fut un plouf sonore au-dessus de leur tête qui la ramena à la réalité. Et ils regagnèrent la surface à grande brasse, où ils aperçurent une grande silhouette battant des quatre membres et ondulant de la queue. Goba s'était jeté à l'eau, et sa tête immergée était comme un périscope balayant frénétiquement les profondeurs de ses yeux rubis à la recherche de Zélé. Les petites bulles s'échappant de ses trois narines se transformèrent en éruption sous-marine quand il ouvrit sa bouche à la vue de sa maîtresse. Quand elle arriva à sa hauteur, elle lui fit regagner la rive et le Bolbolco se jeta sur elle alors qu'elle venait à peine de s'extirper de l'eau. Jamais Zélé ne l'avait vue ainsi. Il enfonçait sa grosse tête verte dans ses bras et refusait de se décoller d'elle. Ils avaient grandi ensemble et la princesse ne pouvait rien cacher de ses sentiments à sa monture. Il sentait que quelque chose se tramait et cela le rendait nerveux. Connexion. Princesse Zélé, le chargement est presque terminé. Je vous attends. Nous partons dans une heure. Zoku, très bien, merci. À dans une heure. Fin de connexion. Zoku avait contacté ses deux compagnons de voyage simultanément par un plan et cela précipitait les adieux que Zélé devait faire à Goba. Ce qui n'était peut-être pas une mauvaise chose, ils auraient pu s'éterniser s'ils n'avaient tenu qu'à elle. Elle enlaça l'encolure de l'animal, laissa ses doigts suivre la douce courbe de sa ganache ronde, déposa un baiser sur le bout de son museau carré et le laissa dans l'oasis. Même s'il était libre, c'était la première fois qu'elle laissait le Bolbolco seul, et ils étaient si proches qu'elle savait qu'il serait un peu perdu en son absence. Ce gros lézard, comme le surnommait Misha, n'aurait même pas l'humaine à sa disposition pour la taquiner comme il savait si bien le faire. Juste avant de se rendre dans la faille Mzibokoe chez Zoku, Zélé devait faire un détour par le palais pour programmer des hologrammes de sa personne qui simuleraient sa présence aux yeux des domestiques et de ses professeurs. Elle les contrôlerait tour à tour depuis son implant, donnant l'impression de se déplacer dans les couloirs comme à son habitude. Elle pourrait même répondre si quelqu'un venait à la solliciter. Il était possible de régler les hologrammes en mode aléatoire, mais ceux-ci pouvaient se comporter de manière particulièrement incongrue, et c'était bien là ce que la princesse désirait éviter. Les contrôler en permanence, pour être en mesure de parler, si cela était nécessaire, lui demanderait de libérer une des tâches complexes qu'elle accomplissait en simultané depuis son implant, ou ralentir sa productivité en convertissant une tâche complexe en simple. Zélé devait faire preuve de beaucoup de pertinence dans ses choix et être capable d'expliquer ce changement si sa mère venait à le remarquer, et elle ne doutait pas que cela arriverait. À l'approche de la grille du palais, Ormain se tapit sur le sol du véhicule et resta ainsi jusqu'à ce que la princesse eût terminé sa mise en place. Zélé avait placé les pastilles génératrices d'hologrammes à tous les endroits stratégiques et il n'y avait aucune raison qu'elle fût démasquée. Un hologramme simulait visuellement la présence complète de quelqu'un ou de quelque chose, mais ne recréait en rien la consistance d'un corps saisissable. Comme personne au palais en dehors de Mimichan ne la touchait jamais, la princesse pouvait être tranquille.